Chant 34e. Avec ses étendards, le roi d'enfer s'avance, cria soudain mon maître. À travers la distance, tâche aussi de le voir et regarde en avant. Comme au loin quand la brume assombrit l'atmosphère, ou bien lorsque la nuit couvre notre hémisphère, on croit voir un moulin agité par le vent. Tel m'apparut au loin un bâtiment mobile. Le vent soufflait si fort que derrière Virgile, je courus me blottir. Seul refuge en ce val. Nous étions, je l'écris en tremblant, à la place où chaque ombre, couverte en entier par la glace, semblait comme un fétu resté dans un cristal. Les unes sont gisantes, d'autres debout dressées, tête en haut, tête en bas, et jambes renversées. D'autres figurent l'arc, pieds et front se touchant. Quand nous fûmes assez avant, et que mon maître crut le moment venu de me faire connaître cet être que le ciel avait fait si charmant, il s'écarte de moi, s'arrête et dit « Demeure et tu vas voir Lucifer. Voici l'endroit et l'heure où de fermeté d'âme il est bon de t'armer. » Oh, comme à ce moment mon angoisse fut vive! Lecteur, n'exige pas que je te la décrive. Tout ce que je dirai ne pourrait l'exprimer. Presque mort de mes sens, j'avais perdu l'usage. Tu peux d'après cela te former une image de ce que je devins, n'étant mort ni vivant. Le monarque abhorré du douloureux royaume sortait hors du glacier son sein, hideux fantôme. J'aurais atteint plutôt la taille d'un géant qu'un géant de son bras n'eût atteint la mesure. Jugez dans son entier ce qu'était sa stature, d'après cette longueur d'un morceau de son corps. Ah, s'il fut aussi beau qu'il est épouvantable, et contre son auteur leva son front coupable, il a gagné sa place au centre des remords. Quelle fut ma stupeur en voyant que la bête, ô prodige, portait trois faces à sa tête, l'une sur le devant, de la couleur du sang, deux autres à côté, qui, comme deux pôles, s'élevaient au milieu de ses larges épaules, toutes trois au sommet du crâne s'unissant. Le visage de droite était livide et jaune. L'autre semblait avoir à la torride zone où le Nil se répand, emprunté sa couleur. Deux ailes s'étendaient dessous chaque figure, mesurant sur l'oiseau leur énorme envergure. Les voiles de la mer en viraient leur hauteur. Le monstre battait l'air avec ses ailes fauves, sans plumes, comme on voit celles des souris chauves. Trois vents s'en échappaient, essoufflés, furieux, et tout autour de lui se gelait le cocyte. Bavant, suant le sang, cette larve maudite versait sur trois mentons les pleurs de ses six yeux. Ses dents même temps broyaient dans chaque gueule un pêcheur, l'écrasant comme un grain sous la meule. Ils étaient ainsi trois à la fois torturés. Pour celui de devant, c'était peu de morsures. Les griffes lui faisaient de bien d'autres blessures. La peau des chairs pendait sur ses flancs déchirés. « Cette âme dont là-haut plus cruelle est la peine, » dit mon maître, « celui qui si fort se démène, la tête au fond, le corps au dehors, c'est Judas. » Cet autre suspendu à la figure noire, et qui la tête en bas pend hors de la mâchoire, c'est Brutus. Il se tord, mais il ne parle pas. Et l'autre qui paraît si membru, autre traître, Cassius. Mais la nuit commence à reparaître. Il est temps de partir, car nous avons tout vu. Alors, suivant son ordre, à son cou je m'enlace. Lui saisissant à point, et l'instant et la place, Lucifer ouvrant l'aile, à son râble velu il s'attache, et glissant tout le long de sa taille, de crin en crin descend, comme d'une muraille, entre l'étang de glace et l'épaisse toison. Quand nous fûmes venus à l'endroit où la hanche tourne à point sur le gros de la cuisse, il se penche, non sans grande fatigue et sans émotion. À la place des pieds, met sa tête, et fait mine de remonter le long de la pileuse échine. Je croyais retourner au séjour infernal. « Tiens-toi bien, » dit le maître, en reprenant haleine. « C'est par ces échelons, avec immense peine, que l'on peut s'éloigner de l'empire du mal. » Il passe à ce moment par le trou d'une roche, et m'asseyant au bord près de moi se rapproche, après m'avoir ainsi fait sortir de l'enfer. Je levai l'œil, croyant en toute certitude retrouver Lucifer dans la même attitude, mais je le vis tenant les deux jambes en l'air. Quel trouble à cet aspect remplit mon âme entière! Je le laisse à penser à la foule grossière qui n'a pas vu le point que j'avais traversé. « Allons, mets-toi sur pied !» s'écrie alors le sage, « car le chemin est long et rude est le voyage. Au méridien déjà le soleil a passé. » Certes, ce n'était pas la royale avenue d'un palais éclatant qui s'offrait à ma vue, mais plutôt un ravin escarpé sans lueur. « Avant de m'arracher de l'abîme, ô mon maître, dis-je, dès que debout je pus me reconnaître, réponds-moi, je te prie, et tire-moi d'erreur. Qu'est devenu le lac glacé? Comment le diable a-t-il la tête en bas? Comment, chose incroyable, le jour luit quand le soir est à peine passé? Tu penses être encore là-bas, dit Virgile, au centre où je me pris au poil du grand reptile, par qui dans son milieu le monde est traversé. Tant que je descendais, c'était vrai, mais au ventre, quand je me retournais, nous dépassions le centre, où par sa pesanteur tout corps est entraîné. Nous sommes maintenant sous un autre hémisphère, l'opposé de celui qui recouvre la terre, et qui, sous son sommet, vit périr condamné, l'homme parfait conçu sans péché de sa mère. Et tes pieds sont placés sur la petite sphère qui forme le revers de la Giudecca. Là, c'est nuit, quand ici le soleil étincelle, et celui dont les crins nous ont servi d'échelle, dans la même posture, est encore planté là. C'est là qu'il est tombé du ciel dans sa disgrâce. La terre qui d'abord occupait cet espace se fit en le voyant un voile de la mer et recula d'horreur jusqu'à notre hémisphère. D'effroi peut-être aussi là-bas cette autre terre, laissant le vide ici s'amoncela dans l'air. Il est dedans l'abîme, un lieu distant du diable, de toute la longueur de sa tombe effroyable. L'œil ne le perçoit pas, mais il est deviné, au bruit d'un ruisselet filtrant comme une source, au travers d'un rocher qu'il creuse dans sa course, serpentant alentour doucement incliné. Par ce chemin secret qu'aucun rayon n'éclaire, mon guide m'entraîna vers la région claire, et sans nous arrêter, engagés dans ce lieu, nous montâmes tous deux, lui devant, moi derrière. Enfin, par un pertuis, au bout de la carrière, j'entrevus des chefs-d'œuvre étalés au ciel bleu, et je sortis revoir les étoiles de Dieu.